Des fois je suis bien, des fois je suis mal. J'applique les règles souvent, mais c'est comme pisser face au vent. Les portes ouvertes se referment, j'en deviens fou. Ça joue sur les nerfs, le principal c'est de rester debout. Et depuis tout petit, je chasse le fric. Faut pas lâcher l'affaire pour remplir le frigo. Les jours se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Imprévisible comme un schizo avec un couteau. On a perdu un membre de la clique en route. Le plus fort pour nous montrer que la mort s'en bat les couilles. Et tu me dis de rester positif. La vie est belle que si elle retire son soutif. N'oublie pas qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Réponds-moi pas, prends juste tes parents dans tes bras. Les choses simples peuvent éviter des drames. Un jour on sera tous sous un drap sans état d'âme. On écrit, retranscrit nos vies sur ces récits. On sourit et déprime ici, c'est pas facile. Lunatique, on dit merde, parfois merci. Puis merde si notre zig saoule ta casapé. On écrit, retranscrit nos vies sur ces récits. On sourit et déprime ici, c'est pas facile. Lunatique, on dit merde, parfois merci. Puis merde si notre zig saoule ta casapé. Les vérités sont bonnes à dire mais pas à entendre. Et pas tant à cause de ça on me prend pas pour un tendre. Les tensions ne sont qu'imaginaires. Je suis discipliné, je te tends la main si t'es par terre. Les vraies richesses ne sont pas dans mes rimes. J'exprime juste mes états d'âme en musique. Alors oui, y'a des hauts, y'a des bas. Je peux être vulgaire ou conscient, récent ou épave. Depuis le départ je suis dans la même direction. Change pas mais j'évolue en même temps que mes sons. Sans pression pour pas changer mes habitudes. Les griffes de la vie dure m'ont balafré la figure. Une fissure s'est produite dans mon esprit, que je recolle avec un verre de scotch et un spliff. C'est pas la joie, des fois on évite le drame. Un jour on sera tous sous un drap, sans état d'âme. On écrit, retranscrit nos vies sur ces récits. On sourit et déprime ici, c'est pas facile. Lunatique, on dit merde, parfois merci. Puis merde si notre zig saoule ta casapé. On écrit, retranscrit nos vies sur ces récits. On sourit et déprime ici, c'est pas facile. Lunatique, on dit merde, parfois merci. Puis merde si notre zig saoule ta casapé. On a perdu un membre de la clique en route. Le plus fort pour nous montrer que la mort s'en bat les couilles. On écrit, retranscrit nos vies sur ces récits. On sourit et déprime ici, c'est pas facile. Lunatique, on dit merde, parfois merci. Puis merde si notre zig saoule ta casapé. On écrit, retranscrit nos vies sur ces récits. On sourit et déprime ici, c'est pas facile. Lunatique, on dit merde, parfois merci. Puis merde si notre zig saoule ta casapé.